بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وزعيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je suis comme toujours extrêmement heureux d'être là parmi vous, et je remercierai toujours l'Union des musulmans du Mai de me faire l'honneur de m'inviter et d'être là parmi vous pour ouvrir ce mois et justement d'avoir cette habitude de pouvoir décortiquer quelques aspects, quelques éléments importants concernant Ramadan. Et aussi, je suis très très très heureux d'avoir devant moi des personnes qui ne seraient pas forcément devant Brésil, Chili ou je ne sais quoi d'autre. Donc je sais que c'est pas si simple. La concurrence est rude. C'est très très rude. Mais voilà, c'était de toute façon c'était soit le beau temps, soit un match. Donc cette fois-ci c'était le match. En tout cas, c'est toujours vraiment un plaisir de pouvoir partager cet instant ensemble. Donc justement, un petit peu comme l'année dernière, l'idée ce serait effectivement d'aborder des thématiques qui vont être pertinentes par rapport au mois de Ramadan tel qu'il va se dérouler devant nous, de saisir l'occasion que représente pour nous Ramadan, de voir effectivement, comme je l'ai déjà dit et souvent dit, le fait que Ramadan soit effectivement ce moment, ce mois où Allah Ta'ala nous a préparé ce mois pour nous, et que ce mois a un effet pour nous, et qu'il va permettre de développer chez nous certains aspects que nous n'avons pas l'habitude de voir. Mais justement, justement, parfois c'est bien, avant de commencer une saison sportive, saison d'examen, saison universitaire, n'importe quelle saison, avant de commencer une saison, et là en l'occurrence nous parlons de la saison de Ramadan, c'est bien de pouvoir faire le point, d'essayer de faire un petit peu le point sur dans quel état nous sommes avant de rentrer. On sait qu'on va rentrer dans un monde, dans un élément particulier, et oui c'est particulier, hein, c'est important de le signaler, parce que Dieu nous montre bien que c'est particulier. Ben justement, de pouvoir faire le point de dans quel état je vais rentrer. Parce que c'est vrai, si je me dis que le Ramadan va me changer, ben, faudrait peut-être que je sache ce que je suis d'abord, avant, pour que je vois qu'est-ce qui a changé. C'est un peu normal. Parce que c'est pour ça même parfois, beaucoup de personnes ne se rendent même pas compte de ce qui a changé pendant Ramadan pour eux. Et c'est pour ça qu'à la fin, sans s'en rendre compte, Ramadan se termine, les jours passent un petit peu après, et finalement, ils ne se rendent pas compte que des choses très positives sont arrivées chez eux, et ils les ont changées, mais ils finissent par les abandonner parce qu'ils ne les ont pas remarquées. Ça peut vous paraître surprenant. Non, c'est pas surprenant, parce que Ramadan est précisément une ambiance durant laquelle, oui, une véritable ambiance, une ambiance céleste, précisément durant laquelle, où beaucoup de choses positives se produisent. Et c'est tellement intense et fort qu'à un moment donné, ça en devient naturel. Au bout de plusieurs jours, vous allez trouver ça comme étant tout à fait naturel. Au début, c'est pas du tout naturel d'arrêter de manger et de boire. Et après, ça devient tout à fait naturel. Et bien, beaucoup de choses positives durant Ramadan se produisent de la même manière. Donc, de faire le point. Et ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, ce serait justement de faire le point sur deux constats, sur deux plans. Un constat sur deux plans. Le premier plan, ça va être justement la question de notre personne. Je le dis comme ça pour que ce soit clair. Ramadan est une adoration qui a une très grande résonance sociale. C'est-à-dire que c'est le groupe des croyants qui vont accomplir ce rite. Ya ayyuhal ladina amanu, كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous qui avez reconnu la vérité, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé. لعلكم تتقون. Ainsi, avec certitude, vous atteindrez cet état de préservation, de salut. Taqwa. Mais justement, le Ya ayyuha alladhina amanu s'adresse à une communauté. D'ailleurs, Ramadan a été révélé à Médine. Vous savez, les musulmans ont commencé à faire Ramadan à Médine, pas avant. Hein? Ça, c'est important. Néanmoins, c'est une adoration qui se vit socialement, mais c'est une adoration individuelle. C'est important de le souligner, c'est une adoration individuelle. Il y a des adorations collectives. Hajj est une adoration collective, mais qui concerne l'individu, évidemment. Mais c'est une adoration collective. La preuve, vous ne pouvez pas faire le Hajj n'importe quand. La Ramadan, oui, mais pas le Hajj. Et vous ne pouvez pas faire le Hajj comme vous voulez. C'est-à-dire, je vais commencer par Arafat, et puis ensuite je vais peut-être aller faire Sa'i, etc. Non, tu dois tout suivre, parce que tu dois tout suivre pour que tout le monde soit en même temps avec toi. Et à tel point que le prophète a dit, Al-Hajj ou Arafat, vous devez tous être le 9, au même endroit, au même point, et au même journée. Comme ça, vous êtes tous là, c'est une adoration collective. D'ailleurs, les résultats et les conséquences que l'on vit de ce jeûne, de ce Hajj, se vivent collectivement et se répercutent collectivement. Ramadan, c'est une adoration collective, une adoration individuelle, pardon, mais qui peut se vivre collectivement, socialement. Alors que, par exemple, pour prendre notre exemple aussi collectif connu, la Jum'a. La Jum'a est une adoration collective. La preuve, si vous n'arrivez pas à temps, qu'est-ce que vous faites donc normalement, qui est là votre adoration individuelle. En gros, et ça qui est très fort en islam, c'est très puissant, c'est qu'on arrive à mettre du individuel dans le collectif et du collectif dans l'individuel. Vous voyez, et on ne néglige ni l'un ni l'autre. Mais à un moment donné, Dieu va insister sur un aspect et des fois il insistera sur un autre aspect. Parce que oui, chaque chose a ses réalités et chaque chose a son importance. L'individu a ses importances, on doit s'occuper de l'individu, mais aussi le collectif a son importance. Et qu'est-ce que nous dit Allah Ta'ala ? La yughayyirullahu ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a au fond d'eux, ce qu'il y a en eux-mêmes. Vous voyez, en fait, Dieu fait cette alchimie entre le collectif et l'individuel. Donc justement, et ça c'est important parce que même par rapport à tout ce qui a pu s'entendre, tout ce qui a pu se faire aujourd'hui, hier ou demain, au-delà de tout ça, de bien comprendre cet aspect fondamental de l'individuel. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Celui qui est témoin en toute certitude, qui est serein dans le mois du jeûne, qu'il jeûne. Vous voyez ? مِنْكُمْ فَمَنْ شَهِدَ الشَّهْرَ. Donc, le principe c'est quoi ? C'est que c'est individuel. Mais ça se vit socialement. Et c'est ça qui est bien. Et ça c'est très positif. Et donc justement, et là on revient maintenant sur le noyau, l'un des aspects qu'il nous faut commencer à comprendre en termes de constat, c'est nous vis-à-vis de nous-mêmes. Nous vis-à-vis de nous-mêmes, ça veut dire quoi ? C'est cette fameuse question de ikhlas. Ce qu'on traduit souvent par sincérité, sauf que l'ikhlas est un terme bien plus large, bien plus global qu'il n'y paraît. Al-ikhlas, dans le sens justement coranique du terme, al-ikhlas c'est cette idée d'être dans une situation où on se débarrasse de tout ce qui n'est pas Dieu, concernant notre considération de Dieu, justement. Ça veut dire que, regardez bien, il se peut que ce que tu fais, c'est clairement quelque chose qui était ordonné par Dieu. Un exemple, regardez bien un exemple. Venir à la mosquée, faire une prière obligatoire dans une mosquée, il n'y a que Dieu qui t'a dit de faire ça, dans l'absolu. C'est une prescription divine. Mais Dieu nous montre plusieurs fois dans le Coran que très souvent des personnes peuvent faire ça uniquement pour servir leurs intérêts, uniquement pour satisfaire leur ego, uniquement pour se soumettre à leurs désirs et à leurs passions. C'est ceux qui font, qui accomplissent les choses pour qu'ils soient vus, au-dessus et vus de tous. Comme dirait Aïssa al-Aslam dans le rapport de lui, il sonne la trompette pour dire que je fais ça. Ria al-Nas. L'ostentation, ce qu'on appelle l'ostentation. Montrer les choses. Et nous savons justement, comme je crois que je l'avais déjà évoqué ici, on définit les choses soit par expérience, soit par comparaison. Hein? Eh bien, l'ikhlas, c'est-à-dire se débarrasser de ce qui n'est pas Dieu, pour mieux comprendre ce que c'est que l'ikhlas, on va d'abord commencer à voir qu'est-ce que n'est pas l'ikhlas. Quand est-ce que ce n'est pas de l'ikhlas ? Eh bien, nous avons le cas le plus emblématique, c'est Ria, cette fameuse ostentation. Ouais. En fait, l'ostentation, c'est la manifestation d'une adoration non vouée à Dieu. Ce qu'on appellerait un petit peu philosophiquement l'idolâtrie. Mais ne retenez pas dans l'idolâtrie l'idole. Retenez en fait le fait que tu adores quelque chose, l'âtre, c'est en grec, hein, c'est l'idée d'adorer. Eh bien, c'est le fait que tu adores quelque chose d'autre que Dieu. C'est ça en fait l'une des meilleures, selon moi, traductions. Enfin, meilleure, c'est pas la top, mais la meilleure traduction de shirk. Parce que associationnisme, ouais, mais ça sonne pas trop et c'est pas très clair. Parce que en plus, ce n'est pas tout à fait exact. Ce n'est pas toujours associé à Dieu. Shirk, ça ne veut pas forcément dire associé à Dieu. Ça veut dire remplacer Dieu aussi. C'est en fait de la substitution de Dieu dans shirk. C'est comme celui qui a choisi ses propres passions comme divinité. Donc là, ça veut dire quoi? On pourrait faire ça. C'est du shirk, mais c'est qu'en fait, il a carrément enlevé Dieu du système et il a mis ses passions. Donc en réalité, regardez bien, on est dans cette situation où justement, comme nous l'indique le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les actions ne valent et les actions sont rattachées à leurs intentions. Ça veut dire, même si on veut être très rigoureux dans la langue par rapport au hadith, c'est innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire que les actions suivent leurs intentions et donc elles iront là où les intentions les mèneront, quelle que soit la nature de l'action. Innamal a'malu binniyat wa likulli imrin ma nawa. Et pour chacun d'entre nous, et pour chacun, ce qu'il récoltera de ses intentions et non pas de ses actions. Vous voyez ? Et ça, c'est très intéressant parce que c'est un hadith très synthétique. Jawa mer al-kalim, comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu m'a donné la capacité d'exprimer en très peu de mots beaucoup d'idées. Et c'est d'ailleurs une des émanations de la révélation. Et bien, lorsque on parle de walikulimanawa, ça veut dire que oui, vous ne récolterez que ceux dont vous avez eu l'intention. En fait, vous récoltez ce que vous voulez. Vous aurez ce que vous voulez. D'ailleurs, regardez bien le hadith. Entrera au paradis celui qui veut, entrera en enfer celui qui veut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit pas entrera au paradis celui qui veut et ira en enfer celui qui ne veut pas aller au paradis. Vous voyez la différence? C'est pas la même chose. Non, c'est que c'est toujours volontaire. Et c'est pour ça que la vraie question, le véritable impératif, le véritable enjeu, c'est qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je veux? Ramadan arrive, très bien, qu'est-ce que je veux de Ramadan? Et là on parle de Ramadan, mais on peut même globaliser de manière encore plus large. Je suis l'islam, je veux être fidèle à l'islam, qu'est-ce que je veux? Je veux suivre l'islam parce que je veux montrer aux gens que je suis le meilleur. Ou je suis l'islam parce que je sais que c'est la vérité. Et je suis l'islam parce que je veux chercher Dieu. Je veux Dieu. Ah oui, les manières jullah, wal yawmil akhir. C'est ce que dit Dieu en disant, c'est la voie du salut pour celui qui désire Dieu. Yarjullah, je désire Dieu. Wal yawmil akhir. Et la demeure, la vie dernière, parce que c'est la vie du voisinage divin. Je serai auprès de Dieu. Donc, la question de base, et c'est ça que, comme disaient nos savants classiques lorsqu'ils parlaient de Ramadan et de toutes les ribadettes, de tous les rites et toutes les adorations grandes, la salat, etc., c'est niya. Et vous pouvez le lire des fois quand vous lisez dans certains manuels de Ramadan arrive, de manuels sur la prière, etc., on vous dit attention, l'intention. Malheureusement, c'est allé tellement loin parfois dans les récits, puisque des fois certains ont trop développé. C'était une époque où on allait trop dans ce domaine-là. Et qu'à un moment donné, beaucoup de jeunes aujourd'hui ne comprennent pas lorsqu'il y a écrit attention, il faut faire l'intention avant la prière, l'intention avant les ablutions, l'intention avant Ramadan. Et à tel point que des gens se sont retrouvés à poser des questions du style l'intention, est-ce que je la fais avant Suhoor, pendant Suhoor, quand je me réveille le matin, ou est-ce que c'est pour tout le mois? Alors que, sincèrement, on est arrivé dans des considérations qui sont complètement le contraire de ce que signifie niya et l'intention. Car l'intention, c'est, en fait, c'est là ce que je viens de vous dire par rapport à hadith innamal a'malu binniyat, c'est qu'en fait, c'est ce que tu veux. Quand t'es debout, là, t'es debout dans cette salle qu'on appelle une mosquée, quand t'es debout, qu'est-ce que tu veux? T'es là par hasard parce que t'es un pote qui t'a amené ici, ou t'es là parce que tu veux récupérer une dette, et c'est innamal a'malu binniyat. Ou est-ce que tu es là parce que tu veux te retrouver entre les mains de Dieu, en communauté, avec tes frères et tes sœurs? Donc c'est ça, innamal a'malu binniyat. Et l'intention, c'est pour séparer pour Ramadan. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux t'arrêter de boire et de manger? Parce que c'est rigolo et tu aimerais faire la fête le soir pour pouvoir manger ce que tu veux. Ou tu veux t'approcher de Dieu. Rabbi ja'alli aya. Seigneur, accorde-moi, comme le dit Zacharie, accorde-moi une évidence, un signe, c'est-à-dire quelque chose qui me rapproche de toi. Aya dans ce sens-là veut dire ce qui me rapproche de toi. Mais oui. Inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafi al-layli wan nahari la-ayat. Ce sont des signes. Il y a dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, des signes. Quand Dieu utilise le terme de ayah, ayah en réalité signifie ce qui t'approche de Dieu. Et c'est là que vous comprenez d'ailleurs que tout le Coran est constitué de ayat. Chaque ayah t'approche de Dieu. De alif lam mim jusqu'à qulhu Allahu ahad, en passant par Allahu la ilaha illahu al hayy al qayyum, etc. Chaque ayah t'amène et t'approche d'Allah Ta'ala. Tout comme la preuve et l'évidence approchent de l'auteur. C'est ça. Les traces, les évidences, les preuves, c'est ce qui t'amène vers l'auteur, le coupable, si je puis dire. Eh bien, pour ce qui est de Dieu, c'est ça les ayats. Donc justement, toi pendant Ramadan, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de Ramadan? Car à cette question, la réponse sera la plus importante. C'est-à-dire qu'en fait, c'est cette réponse-là qui va déterminer ton Ramadan. Voilà ce que, la couleur qu'aura ton Ramadan. Voilà la force, la valeur qu'aura ton Ramadan. C'est pas plus compliqué que ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est pour ça le grand problème que nous vivons dans le fait de passer les choses, d'être dans le superficiel, de passer la surface des choses, et de se retrouver à... Et il faut le dire, c'est vrai. On entend des textes, Coran, Sunna, on voit des applications, et étrangement, on est habitué, et cela, sincèrement, c'est pas que maintenant, ça fait maintenant depuis un bon moment, depuis des décennies, voire des siècles. Et on constate, et on le sait au fond de nous, pour nous tous, on constate un immense décalage entre les textes que nous avons entendus, que nous avons écoutés, que nous avons suivis, et les applications qui sont faites, et en réalité le résultat qui est supposé réaliser ces textes. C'est-à-dire, en gros, je vous donne un exemple très simple. Je crois que je n'ai carrément pas besoin de vous expliquer que toutes les doas sont répondues par Dieu. Ad-doa mustajab, que Dieu écoute l'invocation. Après, je sais que vous allez vous dire, on vous a déjà dit, on a dû vous informer que oui, tu fais la doa, mais voilà, il y a des conditions. Alors des fois, on a l'impression même que les conditions elles sont complexes. Non, elles sont pas très complexes. Hein, c'est des conditions de base. Mais après, on te dit oui, mais bon, j'ai fait l'invocation, mais il n'y a pas en fait, ça vient pas. c'est faut dire la vérité. Je crois que j'ai pas besoin de faire un sondage pour savoir qui a fait, dans le pourcentage d'invocations que vous avez fait, le pourcentage de réalisations. Il y a des réalisations, attention, qu'on soit clair. Mais, d'ailleurs, on n'interroge pas les réalisations. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, quand ça se réalise, on ne se pose pas trop de questions. C'est une erreur. Déjà, c'est une erreur. Et oui, vous avez demandé à Dieu, d'accord, ça se réalise. Vous ne voulez pas vous poser la question pourquoi et comment ça s'est réalisé? C'est peut-être très important de le savoir. Parce que ça vous permettra peut-être de comprendre pourquoi ça ne se réalise pas. Quand ça ne se réalise pas. Et donc, à un moment donné, bon, allez, pour nous, c'est peut-être compliqué, parce qu'on vous dira, oui, il y a quatre manières dont l'invocation se réalise. Soit elle se réalise texto, comme vous l'avez demandé, comme prévu. Soit elle se réalise plus tard. Soit on vous écarte un mal. Soit on vous apporte un autre bien. Et c'est les certains hadiths qui vous expliquent ça. Alors, d'accord. Bon, peut-être que pour nous, c'est un peu complexe, donc, ok. Là, c'est normal qu'il y ait un décalage entre nos invocations et nos réalités. Bien, soit. Mais du coup, pour ceux qui sont opprimés, nous connaissons le hadith qui dit « Il n'y a aucune barrière, aucune frontière, aucun voile entre l'invocation de celui qui est opprimé et le Tout-Puissant. » Vous êtes d'accord que c'est gênant? Si je puis me permettre, ce hadith est gênant au vu de la réalité. Si on le comprend de manière superficielle, bien entendu. Parce que combien d'opprimés sur la terre invoquent Dieu? Et si ce hadith-là voudrait dire ce que nous croyons vouloir dire, à savoir que c'est direct, c'est efficace, c'est pas comme nous, moi je veux pouvoir avoir un taf, je veux pouvoir avoir mon diplôme, bon ça va, c'est rien de grave, hein. Mais eux, c'est la Syrie, l'Égypte, etc., c'est la catastrophe. Donc ils lèvent les mains, la Palestine aussi, la Palestine, depuis combien de temps ils lèvent les mains? Et pourtant, ça passe pas grand chose. En tout cas, ça a l'air de ne pas se passer grand chose. Ça aussi. Parce que là aussi, il conviendra de se poser la question, comment se réalise une invocation? Comment Dieu répond à l'invocation? Et là, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'en vérité, on a beaucoup trop longtemps cru que Ad-Dua, l'invocation, était simplement une demande à adresser à Dieu, et puis on verra le résultat. Or, si vous regardez bien le Coran, et si vous êtes attaché et vous êtes attentif à la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous verrez Vous verrez que l'invocation ne correspond pas à ce que nous faisons aujourd'hui. Mais pas du tout. Que l'invocation, on sait tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sincèrement, si lui lève les mains, ça y est. Là, par contre, pour le coup, là, on parle ni d'opprimés, ni de nous-mêmes, des croyants. Non, on parle du prophète, du messager de Dieu. Il lève les mains. Comme on dit, il lève les mains, le ciel s'ouvre. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été obligé de mener des batailles. En a perdu une, voire une deuxième, en quelque sorte, parce que c'est pratiquement une non-bataille, mais, enfin, on va dire deux batailles. Il a été blessé, sévèrement blessé dans une bataille. Pourtant, il invoque Dieu. Il n'a pas invoqué Dieu pour la victoire ? Ah si, assurément. Pourtant, les faits sont là. Et là, on peut pas dire qu'on se trompe, parce qu'en plus, c'est le Coran qui le dit. Qui a bien dit, oui, dans telle bataille, vous avez trop aimé, vous avez commencé à imaginer que vous étiez trop puissant. Ben non, ça se passe pas comme ça. Tout comme, pourquoi une bataille ? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il apprend que les Qurayshites arrivent de la Mecque en nombre, il sort pas de chez lui, il lève les mains, et Allah, écrase-les, détruis-les. Comme tu as détruit l'armée d'Abraha, qui a voulu détruire la Kaaba. Dieu est capable de tout, oui. Il écoute son prophète, son messager, ben oui. Pourquoi il ne l'a pas fait ? Parce que c'est parce que Dieu veut, deux, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça veut dire quoi, ce n'est pas comme ça que ça se passe ? C'est sunnatillah, les lois immuables de Dieu. Dieu a mis en place dans ce monde des lois. Sunnatillah fil kawn, ce qu'on appelle les lois immuables de Dieu. Ces lois-là, elles sont tellement puissantes que vous ne vous en rendez même plus compte. Et pourtant, elles sont toujours là et elles seront toujours là. La tabdil et les sunnatillah. Tu ne verras jamais et tu ne verras pas dans les lois de Dieu de changement. Ces versets-là sont très importants, ces ayats sont très importants parce qu'elles nous expliquent quelque chose d'immense. Et je le sais, je vous le dis, par exemple, moi en tant que sociologue, mais beaucoup de... En fait, c'est l'existence même de la science. Les scientifiques ont pu être scientifiques grâce à ces versets-là. Parce que Dieu a dit, il y a des lois. Il y a des lois physiques, il y a des lois météorologiques, il y a des lois chimiques, il y a des lois sociologiques, des lois économiques, des lois géologiques, des lois psychologiques, il y a des lois historiques, il y a des lois. Ça veut dire quoi ? C'est dire que Dieu te dit, eh oui, et s'il y a des lois, alors ces lois-là sont immuables, ne bougent pas. Donc on doit les respecter. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque tu veux un travail, oui, tu invoques Dieu pour avoir un travail, mais tu dois obéir aux lois, tu dois suivre les lois, et ne t'attends pas de la part de celui qui a fait ces lois de les changer pour toi. Or, vous savez qu'aujourd'hui, c'est ça notre problème. Nous invoquons Dieu dans un sens où, quelque part, on attend que Dieu change les lois pour nous. C'est pour ça qu'on n'est pas satisfait. Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas pourquoi ça ne bouge pas. Or, justement, la réalité, c'est que d'abord, identifie les lois. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ. Acquiert ce savoir qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah. Il n'y a pas d'autre divinité à part lui. Et c'est en fait le principe de Iqra. Pourquoi Dieu commence ? Il dit avant que tu invoques, avant que tu pries, etc., d'abord lis, pour que tu comprennes. Lis quoi ? Lis les signes, lis les lois, lis les principes, lis, regarde, observe, comprends. Et donc justement, ce principe de lire les lois, plus tu comprends les lois, parce que regardez bien, aujourd'hui, on le voit bien. Il dit, faut être lucide. Des gens sont puissants, mais ne sont pas tellement croyants, même ne sont pas du tout. Ne reconnaissent même pas Dieu. Comment c'est possible ça ? Comment ils peuvent avoir le dessus ? Et d'ailleurs, qui opprime qui aujourd'hui ? Aujourd'hui, ceux qui oppriment, ce sont justement des injustes et des négateurs, des gens qui ne reconnaissent pas Dieu, ni ses principes. Comment peuvent-ils avoir le dessus alors que Dieu dit « Inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu » Vous comprenez la gravité entre les faits que nous constatons et les textes que nous entendons ? À un tel point qu'à un moment donné, on ne sait plus. Soit on est dans un déni en se réfugiant dans les textes, en disant « Oui, les textes disent vrai. » Bien sûr que les textes disent vrai. Les textes diront toujours vrai. Sadaqallah al-Azim, mais oui. Alors, en parlant, tout ce que dit Dieu est vrai. Mais le problème, c'est que c'est nous qui faisons mentir les textes. Dans notre aveuglement des réalités et des textes. Et nous avons un double aveuglement. C'est-à-dire que nous ne comprenons pas les textes, alors que Dieu dit « Inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu ». D'accord, alors qu'est-ce qui se passe en Syrie ? L'ayah veut dire quoi ? Inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu. En vérité, Dieu défend et protège ceux qui ont la foi. À tel point que malheureusement, des frères et des sœurs sont allés tellement loin qu'ils ont commencé même à croire que ceux qui étaient opprimés n'étaient plus des croyants. Vous voyez ? Tellement ils ont mal compris le texte. Ils se sont dit, s'ils se font attaquer par des gens, s'ils se font détruire, ça veut dire que Dieu ne les protège pas. Et si Dieu ne les protège pas, ça veut dire que, vous voyez le syllogisme, vous voyez le raisonnement ? Si Dieu ne les protège pas, ça veut dire qu'ils ne sont pas croyants. Oh, c'est juste choquant ça quand même. Parce qu'à un moment donné, ah oui, d'accord, et qu'est-ce qui se passe en fait à la Mecque, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il n'y a pas des gens qui se font torturer, qui se font emprisonner, qui se font tuer? Donc ils sont croyants, ils ne sont pas croyants ceux-là. Donc ça veut dire quoi? Inna Allah yudafi anil ladina amanu. Ça veut dire qu'il faut le comprendre différemment. Vous ne le comprenez pas en surface, vous devez aller en profondeur. Avec le Wallahu mutimmu nurihi wa law kariha al-kafirun, et en vérité Dieu parachève sa lumière, n'en déplaise aux négateurs, aux criminels. Bon. Donc justement, la question de la dua, c'est ça. C'est qu'est-ce que tu veux quand tu t'adresses à Dieu? Tout comme pour la salat, tout comme pour le ramadan. Qu'est-ce que tu veux lorsque tu adores Dieu? Qu'est-ce que tu veux lorsque tu t'adresses à Dieu? Et c'est ça le principe. C'est qu'en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le dit, et Allah ta'ala nous l'a bien montré, nous n'avons que ce que nous voulons. Nous n'avons que ce que nous voulons. Or justement, il n'y a pas pire situation que celle où on n'arrive pas à vouloir. On est dans l'indécision. Regardez la preuve, c'est ce qui explique pourquoi les criminels sont puissants, parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. C'est tout. Vous comprenez, c'est pas aussi mystérieux que ça. S'ils arrivent à être puissants, c'est parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Je veux dunya, je veux l'argent, je veux la pouvoir, ils savent, ils foncent. Et comme ils sont intelligents, eh oui, pour changer par rapport à... Comme ils sont intelligents, ils savent que si je veux atteindre le pouvoir, je dois faire ça, ça, ça, ça et ça. Si je veux avoir l'argent, je dois faire ça, ça, ça et ça. Si je veux avoir des femmes, si je veux, etc., etc. Ils savent. Ils sont pas en train d'attendre de la magie ou de trucs. Non, ils savent. Or, nous, malheureusement, nous avons pris le contraire. À tel point même des fois qu'on a tout remis. Ya Allah, tu veux le bien, tu n'es que le bien, donne-moi le bien. Non, non, non, non. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, il a dit, c'est pas des bonnes douas. Quand vous invoquez Dieu, soyez ferme dans vos invocations. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire résolu. Sachez ce que vous voulez. Parce qu'une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'avait accompagné en train d'invoquer Dieu. Et il disait, Ya Allah, in shi't, si tu veux, accorde-moi ça. Et le prophète lui dit, non, non, non, c'est pas comme ça qu'on parle à Dieu et qu'on invoque Dieu. Quand tu invoques Dieu, sois ferme dans ton invocation et même répète s'il le faut. Il dit, Ya Allah, je veux ça. À tel point même, qu'on a même constaté, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a confirmé, qu'on peut même faire des ultimatums. Vous savez, c'est pas à Dieu qu'on fait les ultimatums. Et bien en gros, si jamais je veux pas que deux jours se passent sans qu'il puisse se produire ça. Mais en réalité, justement, mais quand on revient sur l'arrêté de la Dua, c'est là que vous comprenez. Donc ça, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose qui nous accompagnera pour Ramadan. Il y a deux types de Dua. Vous devez savoir qu'il y a deux types de Dua dans le sens littéral du terme. Il y a une Dua, j'allais dire une sorte de dua leçon, une dua information. En l'occurrence, ce sont toutes les duas qui ont été révélées. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban-nar. Ça, c'est une dua. Eh bien, cette dua-là, c'est une dua information. Pourquoi j'appelle une dua information? Parce qu'elle vous informe sur ce sur quoi vous devez vous concentrer. Et ce que vous devez chercher à faire, et quelle est votre mission, qu'est-ce que Dieu attend de vous, et qu'est-ce qui est bien pour vous. Rabbana atina fid dunya hasana, je veux ce qui est de meilleur, dunya. Eh oui, ça veut dire qu'on n'est pas des moines, on n'est pas c'est pas grave si je suis dans la galère et tout. Non, non, non, c'est fait dunya hasana. Wa fil akhirati hasana, et je veux dans l'au-delà, dans l'autre vie, le hasana. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même Dieu t'informe, il te dit, eh oui, pour que tu aies le hasana dans l'akhira, pour que ça se passe bien dans l'autre vie, il faut que ça se passe bien dans cette vie. Commence pas, grille pas les étapes. Wa qina adhaban-nar. Pourquoi wa qina adhaban-nar? Parce que justement, ça c'est pour déterminer la fin, c'est pour déterminer le lien entre la finalité et les moyens. La fin ne justifie pas les moyens. C'est pas parce que tu crois que l'akhira, tu la veux, et que tu veux le paradis, que tu as le droit de faire n'importe quoi pour avoir le paradis. Eh oui, parce qu'on peut même faire n'importe quoi pour le paradis. Hein. Tout comme parfois justement, c'est ça le comble. Ceux qui veulent l'argent, ceux qui veulent le pouvoir, ne font pas tellement n'importe quoi. Il faut ce qu'il faut faire. Mais parfois nous, quand on est croyant, on veut le paradis, on veut les récompenses, on veut le salut, mais parfois on fait n'importe quoi pour ça. Parce qu'on oublie le moyen. C'est ça le Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban-nar. En gros, le qina adhaban-nar, ça veut dire épargne-nous du châtiment de l'enfer, parce que justement, il se peut qu'en étant, qu'en se sentant et en se croyant, en se pensant croyant, on commence à être mauvais. Et beaucoup de hadiths sont là-dessus. Ça nous ramène sur le riya, justement. Le fait que des personnes, le fameux hadith très connu, Sahih, où on ressuscitera trois types de personnes, c'est trois types, hein, c'est pas trois personnes, c'est trois types de personnes. Une personne qu'on interrogera, on lui dira, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Il dira, Ya Allah, il n'y a pas un seul centime que j'avais dans ma main sans que je ne le dépense pour toi. Fils Abilillah. Et donc il dira, et uniquement pour toi, on lui dira, Kadibt, tu mens. Tu as fait ça, tu as fait toute ta vie uniquement pour qu'on dise de toi, tu es un mec généreux. Tu es quelqu'un de généreux. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire, c'est quelqu'un, c'était un croyant et tout. Il faisait la prière. Il donnait. Vous imaginez, ça veut dire qu'il a construit des mosquées, des hôpitaux, il a des bibliothèques, il a aidé des pauvres, etc. Mais il a donné, hein. C'est pas du bardin, il a vraiment donné. Mais, Enniya. On lui répond directement, parce qu'on connaît les secrets, Dieu connaît les secrets de chacun de nous. Le secret même de nos secrets, même ce que nous cachons à nous-mêmes. Tu as menti, tu mens. Tu n'as fait ça uniquement pour qu'on dise de toi, tu es quelqu'un de généreux. Et on amènera une deuxième personne, deuxième type de personne. Ouais, qu'est-ce que tu fais de ta vie ? Ya Allah, il n'y a pas un sentier, un champ dans lequel il fallait combattre pour ton nom sans que je ne l'ai emprunté. Et je n'ai fait ça que pour toi. Un warrior, un combattant. Parce que, c'est vrai, attention, vous savez bien, c'est tout, même le premier cas, c'est difficile. Hein. Vous savez déjà que c'est difficile de donner. C'est pour ça que parfois on peut être impressionné par les dons, quand on voit quelqu'un qui donne, mais on peut être aussi impressionné par ses propres dons. Et ça c'est grave. Comme le dit Ibn Arta al-Sakandari, ne sois pas impressionné par le bien que tu fais. Car le bien que tu fais n'est qu'une donation de Dieu, te permettant de faire ce que tu viens de faire. Remercie-le plutôt, au lieu de t'enflammer. Et comme il dit dans cette très belle phrase, Ya Allah, tes dons sont des privations et tes privations sont des dons. Quand tu me prives, c'est un don. Et quand tu me donnes, c'est une privation. Ça veut dire, ah, faut que je fasse attention. Faut vite que je fasse quelque chose avec ça, faut que j'ai une responsabilité. Donc, on peut être impressionné. Parce que c'est impressionnant, c'est pas facile. On sait que c'est pas facile de mettre la main à la poche. On sait que c'est pas facile de prendre le courage et d'aller se battre pour sauver des innocents. C'est pas facile du tout. Pourtant, qu'est-ce qu'on dira à cet homme ? Menteur, tu mens. Tu as fait uniquement ça pour qu'on dise de toi que tu es un courageux et un guerrier. Parce que lui, il a dit, voilà, j'ai continué jusqu'à ce que je te retrouve. Il est tombé dans le champ de bataille. Troisième personne. Celle-là, elle est fatale pour eux. Un homme, on lui dira, donc, qu'est-ce que tu as fait de ta vie ? Il dira, il n'y a pas une seule occasion, après avoir appris et compris ton livre, sans que je ne l'ai diffusé, je ne l'ai expliqué, je ne l'ai présenté aux gens. Je n'ai fait ça que pour toi. Et donc, on lui dira, menteur, tu mens. Tu as fait ça pour qu'on dise de toi, c'est un savant. Lumière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam conclut le hadith, on les jettera les trois, la face contre terre, et on les enverra en enfer en les oubliant. En les oubliant définitivement. C'est terrible. Vous voyez, parce qu'en réalité, c'est ça. Nous n'avons que ce que nous voulons. Nous n'avons que ce que nous voulons. Et donc la problématique, elle est là. Qu'est-ce que nous voulons ? Et c'est ça qu'Allah ta'ala veut nous expliquer. Donc, deux doigts. La doua d'information, ce sont des doua où Dieu t'informe de comment il faut faire les choses pour atteindre tel objectif. In aratta dunya, voilà ce qu'il faut faire. Si tu veux le dunya, voilà ce qu'il faut faire. Si tu veux l'akhira, voilà ce qu'il faut faire. Et c'est ce que disait cette expression, in aratta dunya fa alayka bil ilm, wa in aratta l'akhira fa alayka bil ilm. Si tu veux dunya, si tu veux le bas monde, il faut le savoir, il faut la science. Si tu veux l'akhira, l'autre monde, il faut la science. Et si tu veux les deux, il faut la science. Eh oui. Et donc, toutes les doigts, et vous verrez, donc c'est important, toutes les doigts que vous pouvez lire dans le Coran, comme c'est la phase du Coran, hein, Ramadan commence avec le Coran, il se déroule sur le Coran, toutes les doigts que vous lirez dans le Coran sont des doigts d'information, ce sont des sciences, c'est des sciences, ce sont des doigts qui vous apportent une science, qui vous disent, vous voulez obtenir ça ? Voilà ce qu'il faut faire. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Seigneur, ne laisse pas corrompre nos cœurs. Après que tu nous aies guidés. C'est intéressant ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire rester sur. Dieu vous dit restez sur vos gardes. Et pour ce faire, soyez donc vigilants. Menez un effort pour ça. Vous comprenez ? Vous voyez la double dimension de la Dora ? C'est-à-dire que la Dora, vous l'exprimez. Rabbana, vous la dites, c'est vrai, vous la dites. Mais en même temps, vous la méditez, vous la comprenez. Pour la réaliser vous-même. C'est ça que Dieu vous dit. Allez maintenant, fais-en un usage. Fais-en bon usage. C'est toute la dimension de. Ihdina sirat al-mustaqim. C'est dire quoi, Edina Salat al-Mustaqim? C'est pas amène-moi à Lyon et je vais rester sur mon canapé, on va voir comment ça va se passer. C'est Ya Allah, amène-moi à Lyon, donc moi je vais préparer ma voiture, je vais mettre le carburant, je vais préparer mon GPS, je vais même prendre un plan, on sait jamais parce que j'ai pas ce que planter, et oui, je suis prudent, etc. Je vais regarder par rapport à l'essence, je vais tout calculer, etc. etc. C'est ça, Edina Salat al-Mustaqim. C'est la voie, donc guide-moi vers la bonne voie, la voie droite, car c'est la voie, c'est la voie de ceux que tu as comblé de tes bienfaits. Mais qui tu as comblé de tes bienfaits, Seigneur? Ceux qui ont reconnu tes bienfaits. Donc, première dimension de dua, type de dua, c'est la dua informative. Mais qui, vous avez compris, hein, donc il y a toutes ces conclusions-là, toutes ces conséquences. Le deuxième type de dua, c'est celle qui émane uniquement directement de vous. J'allais dire, c'est comme les candidatures, comme on dit pour l'emploi, en ressources humaines, candidatures spontanées. Il y a les candidatures spontanées, et puis il y a les offres d'emploi. Et ben voilà, mais c'est ça. C'est que la doua informative, c'est des offres d'emploi. Dieu vous donne une offre, il vous fait une offre d'un cheminement de ce qui va vous apporter tel et tel résultat. Et il y a les doua spontanées, candidatures spontanées. C'est quoi ces candidatures spontanées? C'est que normalement, quand tu fais une candidature spontanée, quand tu viens comme ça, tu sais pas si, je sais pas moi, si Microsoft, c'est un truc qui vient de ma tête, voilà. Alors, si Microsoft, tu sais pas si Microsoft va recruter, mais tu vas venir chez eux, tu vas leur dire, voilà, je veux postuler. Alors, on est tous d'accord. Et pour vous, ça vous semble même, je pense que j'ai même pas besoin de faire l'exposé là-dessus. Sauf si vous voulez faire un travail de comment on fait des CV, etc., où on postule. Mais, vous savez tous très bien que vous n'allez pas postuler pour un poste qui n'existe pas, déjà. D'une. Et de deux, si ce poste existe, vous allez quand même être un minimum en adéquation avec ce poste. Et trois, vous allez vous donner les moyens de vous présenter de telle sorte à ce qu'on vous accepte à ce poste. C'est ça, la fameuse candidature spontanée, la doua spontanée. Donc ça veut dire quoi? Premièrement, demande quelque chose qui existe. Quand tu t'adresses à Dieu, demande quelque chose qui existe. Et oui, on ne demande pas à avoir des enfants si on n'est pas marié. N'est-ce pas? Ça semble logique. Ça semble très logique, mais pourtant c'est important de le savoir. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes demandent des choses à Dieu, mais c'est pas possible. C'est matériellement pas possible. Dieu est capable de tout, mais c'est toi qui n'es pas capable de ce que tu demandes. Vous comprenez? Premièrement, donc, demande quelque chose qui existe. D'accessible, de réalisable. Deuxièmement, être en adéquation avec ce qu'on demande. Eh oui, Ya Allah, je veux un doctorat, tu n'as même pas commencé ton bac. Hein? Alors c'est bien d'avoir le projet, hein, mais dans ce cas, prépare-toi. Parce que là c'est entre tes mains. C'est entre tes mains. Dieu va te donner tous les moyens. Ça veut dire quoi, les moyens que Dieu va te donner? Ça s'appelle la bibliothèque, ça fait les professeurs, les amis qui sont déjà passés par là. Et c'est ça les moyens que Dieu t'apporte. Oui. Parce que je vous le dis, malheureusement, notre plus grand drame aujourd'hui chez nous les musulmans, c'est d'être dans un attentisme, une passivité et aussi en même temps une sorte de pensée magique. Où on a confondu et Dieu est capable de toutes choses, et nous ne sommes pas capables de tout, mais en même temps, on doit faire certaines choses. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, on a inversé les choses. Mais bien sûr que Dieu est capable de choses, mais vous voulez qu'on aille dans ce débat-là? Si Dieu est capable de tout, Dieu est capable de faire supprimer la Terre, de changer la Lune, tiens, ouais, de faire un autre truc avec la Lune. Dieu est capable de tout, mais évidemment que Dieu est capable de tout, car c'est Dieu qui a tout créé. Mais pourquoi Dieu ne le fait pas? Et pourquoi Dieu lui-même a dit « Je ne le ferai pas ». Il vous le dit, je vous annonce tout de suite, vous ne volerez pas. Je vous annonce tout de suite, vous n'allez pas traverser les murs. Voilà. Je vous annonce tout de suite, quand vous tombez du 16e étage et qu'il n'y a rien qui va vous retenir et que vous tombez sur le sol, vous allez mourir. Voilà, je vous l'annonce tout de suite, ça s'appelle la physique. Et ça, les annonces que je vous ai, c'est les annonces divines, c'est les lois de Dieu. Je vous annonce tout de suite, si vous ne bougez pas de chez vous pour travailler, vous n'aurez pas d'argent, vous mourrez. C'est bon? Je vous donne tout de suite, si vous ne vous mariez pas, vous n'aurez pas d'enfant, etc., etc., etc. Vous voyez? C'est ça les sunnahs. Donc justement, les doua, la question de la doua, elle est là. C'est que être en adéquation, c'est qu'à un moment donné, demande quelque chose que tu vas réaliser, que tu veux réaliser aussi, parce que parfois on demande des choses à Dieu qu'on ne veut pas aussi. Comme les doua de « on veut la paix ». On fait des doua de la paix, mais en fait on veut la guerre. On fait des doua de fraternité, et en fait on veut l'animosité. Et non, c'est pas possible. C'est pas possible. On veut les doigts du secours de Dieu, or nous déclarons la guerre aux gens. Or Dieu dit quoi dans le Coran, dans Sourate Al-Ma'ida? À chaque fois que vous avez allumé un feu pour déclarer la guerre, Dieu l'a éteint. C'est énorme ça. En fait, Dieu l'a éteint comment? Par des serviteurs. Il envoie des serviteurs, des gens qui éteignent les feux. Ça, ce sont des gens auxquels il faut se cramponner, les gens qui éteignent les feux. les vrais serviteurs de Dieu, ceux qui éteignent les feux. Et par contre, les fatanim, ceux qui soufflent les feux, qui, même quand ils ont raison, ils attisent la haine, ça, c'est pas bon. Pas bon. Donc, la deuxième type de doa, la doa spontanée, la candidature spontanée, c'est une doa qui doit donc cacher, en fait, qui doit montrer une résolution de votre part. En gros, ya Allah, je veux faire ça, je vais aller faire ça, je vais me préparer à ça, je vais prendre tel moyen, j'ai demandé conseil à telle chose, etc. Ya Allah, soutiens-moi, permets-moi d'accéder à tel résultat. C'est, pour vous le montrer de manière plus explicite, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrive au puits de Badr, ok, la première bataille de Ramadan justement, au puits de Badr, lorsqu'il arrive, il a un conseiller, un compagnon qui lui dit, ya Rasulallah, stratégie, il faut qu'on change de truc, on s'est mal posé, il faut qu'on bouge tous les puits, sauf un seul, qu'on gardera pour nous, et ils voudront le convoiter, et on se mettra en rang de telle manière. Il dit tout de suite, on fait ça, c'est parfait. Oui. Technique, on prend stratégie militaire. La stratégie militaire des points d'eau, hein, vous savez. Toutes les guerres jusqu'aujourd'hui, hein, ça c'est une loi absolue, par contre, pareil, loi justement de Dieu. Quand on est en guerre, c'est l'eau le point le plus important. Vous savez pourquoi on a fait le débarquement en Normandie? Parce qu'on doit suivre la Seine. C'était le pont qui permettait de relier le plus sûrement possible vers Paris. On n'allait pas faire le truc. Et le débarquement de Provence n'avait pas pour objectif de monter sur Paris, c'était pour objectif de recadrer l'Italie. L'eau. Salah ad-Din al-Ayyubi, celui qui a libéré Quds, à un moment donné, on l'a d'ailleurs reproché, il avait fait un très grand détour par Damas. Et pour revenir sur le Liban. Pourquoi? Parce qu'il devait s'occuper des points d'eau. Il devait couper tous les points d'eau. Comme le Tibériade était bien bloqué. L'axe Tibériade, justement, était bien bloqué. C'est de la stratégie, vous voyez, c'est ça le tawakkul, c'est ça l'intelligence. Donc justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé les tentes, les soldats sont prêts, ils sont déterminés, ils ont pris l'eau qu'il faut, et la bataille commence. Qu'est-ce que fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il sort de sa tente, il lève les mains. Eh oui, ça y est, j'ai déjà fait le boulot, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et la doua, c'est ça, les fameuses doua ultimatum. Ya Allah, si cette armée, il parle des musulmans, est vaincue, tu ne seras plus adoré sur la terre. Donne-leur la victoire, ya Allah. Ça, c'est de la doua de résolution. Voilà, j'ai préparé mon dossier, j'ai préparé mes affaires, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, j'ai beau chercher, là j'ai fait maximum. Ya Allah, bien sûr, vous pouvez faire la doa avant, en préparant, évidemment, mais c'est pour ça qu'on répète, et à la fin, Ya Allah, maintenant, donne-moi la victoire. Et c'est là que vous verrez que tout change. Tout change. Et se réalise, très logiquement, ce qui doit se réaliser. Et forcément, ne se réalisera pas ce que vous n'avez pas voulu. Donc, c'est ça le secret de la doa. Et que vous devez essayer de comprendre maintenant, à chaque fois que quand vous allez rompre votre jeûne, vous devez avoir cette réflexion de, c'est ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'invocation du jeûneur, elle est exaucée. Et d'ailleurs, pourquoi elle est exaucée, l'invocation du jeûneur? On revient là-dessus. Parce que tu es dans un état où tu es dépouillé de ce qui est encombrant, manger, boire, penser, etc., à des choses néfastes, tu es débarrassé, rien que dans la journée, peut-être que le matin tu passes un petit peu, après progressivement t'arrives, quand t'es cuit, t'arrives à la fin, ça y est, tout ça c'est parti, tu le sens, c'est parti, t'as renoncé, manger, boire, c'est fini. Et donc à un moment donné, tu es dans un état, ce qu'on appelle un état brut de résolution. Il n'y a plus qu'à vouloir. Dieu te dit, ça y est là maintenant, vas-y, veux. Et cette volonté, exprime une volonté, demande quelque chose, mais demande-le vraiment. C'est ça, avant de commencer à manger, voilà ce que vous allez demander. Demandez ce que vous voulez. Et là, vous verrez, parce que vous verrez qu'elle va se répercuter dès le lendemain. Parce que vous serez dans un état de résolution, mais pas abstrait ou vierge. Un état de résolution, maintenant, qui transporte une demande, une résolution, une détermination qui a été formulée. Et c'est là que vous comprenez que, comment dire, c'est de l'implémentation. Ça va se cumuler. Chaque jour, ça se cumulera. C'est pour ça le fameux résultat de la fin de Ramadan avec l'Aïdatul Qadr. où à un moment donné, ça y est, les choses commencent à être très très très fortes. Ça devient puissant. Ça se densifie. Donc justement, vous voyez le... Mais pour savoir ce qu'on veut, il faut qu'on soit net dans ce qu'on veut. Parce que malheureusement, lorsqu'on est musulman, on va être pris, comme le dit Ibn Qayyim Jawziya, chaque action que Dieu a créée pour nous, toutes nos actions, toutes nos œuvres, toutes nos actions, chaque action est tiraillée par deux polarités sataniques. C'est tiré par deux insufflations démoniaques. Shaitanir. Eh bien, soit par le laxisme et le délaissement et la négligence, ce qu'on disait, hein. C'est-à-dire que toi tu veux vraiment réussir, mais tu te laisses aller. Tu fais pas ce qu'il faut. Mais tu veux vraiment réussir. Là, t'es pas un hypocrite quand tu dis ça. T'es sincère, mais voilà, parce que tu te fais arnaquer. Paresse, détournement, divertissement, etc. Soit, regardez bien, donc, comme dit Ibn Qayyim Jawziya, parce que c'est une sunnatillah, ça aussi, on le voit dans le Coran aussi, soit par l'excès, par l'exagération, le trop. Qu'est-ce qu'on m'en dit, hein ? Le mieux est l'ennemi du bien, dans le sens de l'exagération. Et ça, c'est particulièrement vrai en islam. C'est particulièrement vrai en islam. Parce qu'en islam, justement, la personne qui se ressent comme musulmane, va à un moment donné dire ah ben moi je veux, moi oui ben je veux le bien, je veux aller vers Dieu, je veux aller au paradis. Et donc à un moment donné arrive d'un coup le tiraillement, soit le laxisme, le délaissement, j'irai sûrement au paradis mais je fais rien. J'ai envie d'aller au paradis, oui mais tu fais rien en fait, ni salat, rien de positif, rien. Ah non. Et d'ailleurs, c'est le problème, c'est que, en fait, attention, faut pas oublier, tiraillement satanique. Parce qu'à un moment donné, après, tu tombes. C'est une polarité, ok, mais à un moment donné, donc tu peux revenir, alhamdoulilah, toujours, c'est ça, taouba, mais à un moment donné, tu pars à l'abandon. Hein. Et ça, c'est pas bon. Mais il y a aussi l'autre côté, les excès, les exagérations. Je vais être à fond dedans. Et là, je le pardis, oui, mais je vais être à fond dedans. C'est-à-dire quoi, à fond dedans? Je vais montrer que je suis musulman à fond. Et tu vas commencer à être dur. D'abord, tu vas commencer à durer avec toi-même. Ah, ça va pas durer longtemps de durer avec soi-même. Donc, tu vas commencer à durer avec les autres. Là, par contre, ça peut durer plus longtemps. Oui, c'est pas toi qui subis. C'est facile, hein. Ah, t'as pris la valable. Ah, ton pantalon. Machin. Ah, c'est facile, ça. Super facile. Tu pourrais la vie aux autres, pas la tienne. Et quand t'es chez toi, personne va te prendre la tête, hein. Ah, t'as pas le droit d'avoir des mauvaises pensées pour tes frères. Ah, t'as pas le droit de regarder telle chose. Parce que ça, on l'a vu, hein. Combien de fois j'ai vu des frères, là pour le coup c'est plutôt des frères, qui étaient des carrés au cube même. À fond. On le voit à la mosquée, c'est les premiers à l'aube et tout. Hein. Mais dans les centres commerciaux, ça arrive, hein, ce qu'on appelle les hasards n'existent pas. Hein. Et on les voit. Et ce que je regarde, vous savez bien, c'est pas un panneau publicitaire. C'est parfois des êtres humains, mais de l'autre sexe. C'est pas normal. Et pourtant, c'est vrai. C'est à tel point que j'ai une image, hein, moi, qui m'a traumatisé. C'est quelqu'un pareil. Hein, des durs, on va les appeler les durs, hein, pour faire simple, très simple. Qui avait, mais c'est authentique, hein, je vous jure que c'est authentique, avait un t-shirt. T-shirt FBI. Vous connaissez tous FBI. Normal. Le problème, c'est la traduction des FBI. Je vais vous faire la traduction directement parce que c'est en anglais. Hein. C'est écrit en anglais. Ça veut dire inspecteur de corps féminin. C'est un truc de pervers en fait, hein, concrètement. C'est female body inspector. Donc à un moment donné, soit on se dit que la personne ne comprend pas l'anglais, c'est probable. Même si female body inspector. En plus, on est carrément dans les ce qu'on appelle les mots transparents. Hein. C'est inspecteur, body, la moitié de notre produit de beauté s'appelle Electric Body. Bref, c'est pour vous dire quoi? Pour vous dire que quand on est dans le dur, on va dans l'excès, on finit par oublier l'essentiel. Et donc on arrive dans le formel, la forme, on est à fond dans la forme. La forme, on est dedans, hein, mais le fond, il n'y en a pas. Or, quand le fond n'est pas là, c'est Shaitan qui va le remplir. Et à la fin, tu ne t'en rends même pas compte, tu as préparé un très joli panier, Hein, c'est un joli panier islamique, hein, bien habillé, belle pilosité, tout ce qu'il faut. Mais, à un moment donné, il s'est rempli par du poison. Parce que tu n'as pas fait attention. Ramadan nous amène à revenir à ça. À comprendre attentivement et être précis sur cette question-là. Et oui, parce que justement, et ça c'est la dimension plus importante, Ramadan est cette puissante et démonstrative et extraordinaire adoration intérieure. Ben ouais, c'est marrant, mais Ramadan est certainement l'adoration qui se voit le moins. Ce qui est puissant avec Ramadan, c'est que ça se voit pas. Et oui, ça se voit pas, ça se voit pas de ne pas faire. Vous voyez, quand je dis ça par là, ça veut dire quoi? C'est pas simplement que tu as sauté un repas et que tu n'es plus à la machine à café quand tu es au boulot ou que tu es à la post-club pour les autres. Non. C'est que, surtout ce qui ne se voit pas, c'est ça ne se voit pas que tu t'empêches vraiment de manger et de boire. Oui, parce que tu peux ne pas aller à la cafette, mais après prendre un truc en cachette. Tu peux ne pas être à la mosquée devant tout le monde, etc., montrer tes jeûneurs, t'es crevé, je suis fatigué, etc. Mais qu'après, chez toi, tu prends un café. C'est des cas authentiques. Mais ça ne se voit pas. Ramadan est précisément cette adoration qui ne se voit pas. Et pourtant, c'est la seule adoration qui dure tout un mois, de manière aussi magistrale. Et donc, pourquoi? Parce que justement, Dieu veut vous montrer, vous devez revenir dans le vrai stage intensif islamique, qui est celui de la personnalité musulmane. C'est une personnalité qui est authentique de l'intérieur. Authentique de l'intérieur pour être ensuite positif à l'extérieur. Et pour renouer avec cette authenticité, il faut revenir sur l'intérieur. Et comment on fait pour revenir à l'intérieur? Dieu nous dit, allez, tu vas arrêter de faire tout ça. Tu vas arrêter de boire, de manger. Tu vas arrêter d'avoir de relations conjugales. Tu vas arrêter, parce que c'est marrant, ça ne veut pas dire que c'est autorisé en dehors de la Ramadan. Mais spécialement là, pendant la Ramadan, tu vas faire un effort, tu vas arrêter de dire n'importe quoi. On n'a pas le droit de dire des mensonges, on n'a pas le droit de dire des grossièretés dans la vie du musulman. Mais spécialement pendant la Ramadan, ne le fais pas. Pourquoi? Parce que justement, fais cet effort, abstiens-toi. Et d'ailleurs, comment vous obtenez ça? Je vous dis, hein, c'est pas compliqué, il faut arrêter de parler. Il faut faire un vœu de silence. Pendant la Ramadan, vous faites un vœu de silence. C'est pas un vœu de silence absolu, vous n'y arriverez pas. D'ailleurs, c'est pour ça que Dieu, le prophète, enfin, c'est pas dans le Coran explicitement. Mais le prophète l'a dit, hein. Dieu n'a pas besoin de la faim et de la soif de quelqu'un qui ne se retient pas de proférer des mensonges, des paroles vulgaires ou des faux témoignages. Ça a conduit, comme le dit Cheikh Soukhadri sur la question, ça a conduit des ulama, et en particulier d'abord les sahaba comme Aïcha, et ensuite certains tabi'in et dhahirin, de dire que le jeûne est rompu si on profère des mensonges ou des choses vulgaires. Carrément. Alors que bon, les plus récents des juristes ont dit non, c'est juste spirituel. En vrai, l'un et l'autre avis se tiennent. Hein. C'est pas parce qu'il y a une majorité que l'un et l'autre avis se tiennent, en vérité. Parce que c'est logique. Vous comprenez bien que l'objectif n'est pas que vous arrêtez de boire et de manger. Ça, vous pouvez le faire même d'ailleurs ailleurs qu'en dehors de la Ramadan. Et ça, même des non-musulmans peuvent le faire. Mais l'objectif d'arrêter de boire et de manger, c'est que Dieu veut que vous vous concentrez sur l'essentiel. Donc comment peux-tu te concentrer sur l'essentiel et proférer ce qui contredit l'essentiel? C'est pas cool, c'est pas logique, c'est pas logique. Car vous savez très bien que nous disons ce que nous pensons. Ou en tout cas, nous finissons par penser ce que nous disons. Inévitablement. Car ce que tu as dit finit par rentrer dans ta tête. Si ce n'était pas dans ta tête. Donc, justement, le principe est là. C'est que tu dois renouer avec cet aspect intérieur, te centrer sur l'intérieur, considérer l'intérieur à travers ce moi. Voilà l'un des premiers piliers de l'ikhlas. Et l'ikhlas, donc, c'est se débarrasser. Et donc, Dieu va vous aider. Il vous dit, débarrasse-toi d'abord de ce qui est superflu dans ton existence. Boire, manger, relations, et tout ce qui est, justement, mauvaises habitudes, mauvaises pensées, mauvaises paroles. Te débarrasser. En gros, Dieu te dit, maintenant que je t'ai aidé à te débarrasser. Vous voyez, l'aide de Dieu, « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». Car justement, Dieu veut nous expliquer par là que l'ibada, c'est une inaya. L'adoration, c'est un soutien, c'est une aide. Vous comprenez? L'adoration, ça nous aide. C'est pas contre nous. Et bien justement, lorsque Dieu t'aide à travers ce rite que s'appelle Ramadan, il te cadre les choses, de jour comme de nuit, parce que même la nuit, il faut se calmer, hein, faut pas aller n'importe comment. Et bien, maintenant, il te dit, concentre-toi sur l'intérieur. Affermis ta volonté, clarifie ce que tu veux. Et c'est cette question-là, et ça permet de réaliser de entrera au paradis celui qui veut. Et on peut rajouter, entrera dans les meilleures demeures du paradis celui qui veut aller dans les meilleures demeures. Ce n'est qu'une question de volonté. Ce n'est qu'une question de volonté. Car, indépendamment de tout ce qu'on peut remarquer, c'est vrai, la volonté commande. C'est la volonté qui commande. N'oubliez jamais que c'est votre esprit qui commande votre corps. C'est pas le contraire. Et la preuve, quand vous jeûnez. Votre corps vous dit qu'il a faim. Oui, mais votre esprit ordonne de ne pas manger. Votre esprit a le dernier mot. Dieu vous enseigne. Quand on dit Dieu vous révèle ses signes, si vous êtes ceux des rêves qui réfléchissent, vous comprendrez. L'esprit ordonne le corps. C'est l'esprit qui commande le corps. Mais par contre, si l'esprit est fatigué, si l'esprit est encombré, si l'esprit est détourné, si l'esprit est attaqué, si l'esprit est intoxiqué, ah oui, là le corps va dans tous les sens. Voilà la leçon que Dieu nous donne. Le lien entre le corps et l'esprit. Quelque part, le corps est cette ardoise. Le corps est cette ardoise que votre esprit remplit. Et donc justement, cette question d'Ikhlas, elle est fondamentale parce que vous le voyez, en-delà de... Et j'ai fait exprès de le dire, hein, par rapport à la question de... Même par rapport à Ramadan, par rapport à ce qu'on a pu entendre sur la polémique, etc. On le voit, la question elle est là. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux la vérité ou tu veux toi avoir raison? Tu veux la fraternité ou tu veux la guerre? Parce que tu peux pas vouloir la paix en attaquant les gens. Tu ne peux pas avoir la paix spirituelle, intérieure, et ensuite détester ceux qui ne font pas comme toi. C'est pas logique. Donc, concrètement, revenir à l'essentiel. Moi, qu'est-ce que je veux? Je veux être bien avec mon Seigneur. Voilà, la tâche à la fille, oui, doit d'offre. Doit d'information. Voilà, la tâche à la fille, قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Et dire, Allah, ne laisse pas dans notre cœur, dans nos cœurs, dans nos esprits, une quelconque rancune, rancœur ou animosité envers ceux qui ont reconnu la vérité. Mu'minun. C'est important. Parce que vous voyez bien, si Dieu nous dit cette doa, c'est qu'elle est importante. Et qu'elle est importante aussi pour nous. Parce que si ceux qui sont censés vous soutenir, ben oui, parce que ce sont ceux qui pensent comme vous, entre guillemets, ceux qui partagent votre foi, qui sont censés vous soutenir. Si ceux qui sont censés vous soutenir, vous les détestez, comment vous allez faire? Et vous allez détester tout le monde. Et si vous détestez tout le monde, alors c'est pas bon. Kafir bil insaniya, celui qui est quelqu'un qui nie, qui déteste l'humanité, déteste Dieu. Et oui, car qui a créé l'humanité, c'est Dieu. Et qu'est-ce que Dieu veut pour l'humanité? Le bien. Sinon, il n'aurait pas envoyé de prophète. Il en veut juste des châtiments et il en réglait vite le problème. C'est là la traduction de « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ». Vous voyez donc, la question de la détermination, de la volonté, de la résolution, elle est au cœur de notre propos. Elle est si valable dans nos salats, mais c'est particulièrement le cas pour Ramadan. Et Ramadan, vous le voyez bien, se prépare et se dispose justement pour votre vie. Pour qu'à la fin, vous puissiez accomplir et réaliser Laylatul Khayr min alf shahr, une nuit qui est meilleure que 1000 mois. 1000 mois quoi? 1000 mois de vie. 83 années. Plus que 83 années. Parce que c'est ça que Dieu vous dit. Si vous êtes sincère, vous avez la bonne résolution, vous êtes sûr de ce que vous voulez, alors vous obtiendrez ce que vous voulez. Et si vous voulez une bonne vie, hayatan tayyiba, une vie saine, alors quand vous serez résolu, quand vous serez clair sur ce que vous voulez, ça se réalisera. C'est tout. C'est tout. Donc, au final, cette question de volonté doit être clarifiée, cette question de sincérité doit être en permanence dans notre esprit. Et vous verrez que cette sincérité, cette quête de sincérité, cette exigence permanente de sincérité, ikhlas, c'est elle qui vous assurera toujours ce qu'on appelle un seuil minimal d'humilité. Car c'est un élément important, fondamental. Adil latin ala al-mu'minin, qui sont humbles parmi les croyants. C'est ça le peuple que Dieu aime. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ça veut dire quoi, cette humilité? Parce que oui, quand tu cherches la sincérité, tu sais toi-même que parfois tu peux ne pas être clair. Et que tu sais, c'est ça, quand tu observes ta sincérité, tu remets en question ta sincérité, tu observes que toi-même tu n'es pas clair tout le temps. Donc pourquoi tu t'embarrasses à juger les autres? Qu'est-ce qui te permet de juger les autres? si toi-même tu sais que tu n'es pas toujours clair, comment peux-tu toi après imputer aux autres le fait qu'ils soient clairs et qu'ils soient condamnés pour ça? Ben non. Si se trouve lui-même, il n'était pas clair au moment où il l'a fait, où il a dit ce qu'il a dit. Donc déjà, reviens sur toi. Et comme le disait Saïd ibn Jubayr, si nous étions tous parfaits, nous n'aurions même plus besoin d'exister. Et si nous étions tous parfaits, alors, et si nous étions tous rigoureux dans les commandements divins, alors l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar n'existerait pas. Le fait d'appeler les gens à ce qui est bien et de réprimer ce qui est mal, ce qui est mauvais pour les gens, n'existerait pas. Parce que oui, si, et en fait il dit à la fin, et s'il faut être exemplaire, quoi qu'il arrive, pour pouvoir faire ça, alors personne ne le ferait. Vous voyez le... Donc c'est ça. C'est par votre humilité que vous pouvez aider les gens. C'est par votre humilité que vous pouvez orienter les gens. Vous voulez guider les gens. Vous voulez amener les gens vers la vérité. Je parle même de ceux qui ne sont pas musulmans. Eh bien, c'est votre humilité, votre seul vecteur. Car l'humilité, ça ne se trompe pas. Et l'humilité, ça ne trompe pas. Et l'humilité, c'est 100% efficace. Car c'est comme ça que Dieu a envoyé ses messagers. Des gens humbles. Des gens humbles mais fermes. Ils sont droits, ils sont sérieux. Ah oui, ils jouent pas avec leur moralité, ça c'est clair. Mais ils sont humbles. Ils se mettent jamais comme s'ils étaient au-dessus des autres. Et ça c'est un élément important, comme le disait Ibn Atta'illah al-Sakandari, dont je vous recommande son livre sur Al-Hikam. Il y a même une traduction récente de Hani Ramadan de Al-Hikam sur les épîtres, qui est magnifique. Traduction et commentaires. Il disait, il est impératif que ton cœur, ton esprit pénètre, rentre dans les ténèbres de l'humilité, de l'isolement, pour qu'elle puisse planter et qu'elle puisse donner des fruits qui soient purs et sains et agréés par Dieu et bienfaisants pour les gens. Et oui, on n'a jamais vu une graine donner un arbre fruitier sans qu'on le fasse rentrer dans la terre. Voilà ce sur quoi nous sommes aujourd'hui. Dans Ramadan, nous avons notre cœur, nous avons notre esprit, notre volonté, nos aspirations. Je veux le paradis, je veux le bien, je veux le rahma, je veux la miséricorde, la clémence. Alors je vais planter ça dans le sol de l'humilité, de la sincérité. Hein, c'est l'eau qui va la faire pénétrer. La terre, c'est l'humilité dans je ne suis rien sans Dieu. Je ne suis rien sans l'aide de Dieu. Je ne suis pas le plus parfait des hommes et je suis peut-être même le pire. C'est cette humilité-là. Wallah, sincèrement, c'est juste celle-ci qui réalise la fraternité entre nous et qui apaise les gens. Car comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je promets d'immenses palais au paradis pour celui qui délaisse la polémique, même s'il a raison. Et surtout s'il a raison. Oui, j'ai raison, mais j'arrête. J'ai pas... Parce que, vous voyez, c'est ça la sincérité. Soit tu es sincère et donc tu as raison pour Dieu. Donc ça veut dire par là que si la personne elle est quasiment en face de se vexer et de rentrer dans ses gonds ou de s'opposer radicalement, alors ça ne sert à rien. C'est pas pour son bien de continuer de parler là. Là tu ne veux pas son bien. Tu veux juste la vexer encore plus et lui montrer que tu as ta raison. Et que tu vas la taire. Ah, je l'ai. Calmer. Ah oui, mais c'est pas ça l'objectif. Ça c'est pour toi. Les nefsiques, ça c'est pour toi. C'est pas pour Dieu. Ce n'est pas une œuvre pour Dieu. C'est une œuvre qui ne réforme pas, qui n'apporte pas ses fruits. Vous voyez ? Est-ce que... Vous voulez réagir un petit peu ou sinon... Oui, voilà. Si vous avez... Ouais, voilà. Je fais un peu le break comme ça, mais... Si... des questions. Oui, ou des réactions. Comme je ne veux pas faire supra long. Excellent. Excellente question. Sur la fameuse, justement, de Rabbana arhamhuma kama rabbayani saghira. Seigneur, fais-leur miséricorde comme, regarde, comme ils m'ont élevé alors que j'étais petit. Bah, c'est très fort parce que c'est à la fois, là, pour le coup, une doua informative et c'est aussi une doua prédictive. Ouais, c'est comme c'est le cas pour les informations divines. Pourquoi prédictive? Parce que Dieu nous dit quoi? Il nous dit, attention, c'est sur ce sujet-là. Il y a un problème qui va se créer. L'époque de la révélation, c'est étrange, parce qu'à l'époque de la révélation, ça n'existait pas trop, hein, le rencontre de Walidain. C'était quasiment du suicide de faire ça. Enfin, c'était même du suicide. Hein, de s'opposer à ses parents et de les rejeter même quand ils sont âgés. C'était soit du suicide parce que par rapport à ton clan, soit même par rapport à ta sociabilité, ta société. La société te rejette et t'élimine parce que tu n'es rien sans ta famille. Et en l'occurrence, donc tes parents. Donc c'est intéressant parce que c'est Dua là qui se trouve dans Surat al-Isra, si je ne me trompe pas. C'est dans une autre Surat. C'est Surat al-Isra, c'est Surat al-Isra. La Surat al-Isra, la Surat du voyage nocturne, la Surat 17, si je ne m'abuse. Sur 17. Ce qui est fort, c'est que justement, en fait, Dieu parle d'un phénomène qui va être massif plus tard, très tardivement, très tardivement. On va pas trop s'aventurer dans cette socio-anthropologie de la famille, mais on peut quasiment l'établir à partir du 19e. C'est-à-dire lorsque le capitalisme commence à être la grande norme mondiale. C'est-à-dire cet instant où on commence à détruire la famille. C'est là qu'apparaît ce qu'on appelle la famille nucléaire, ça démarre. Il n'y a plus de famille étendue, sauf chez les grandes familles. Les familles qui sont trop. Et généralement, c'est les familles propriétaires terriens. Ben oui, tu ne vas pas te barrer de ton père si ton père a des domaines. Hein. Eh oui, tu ne partiras pas. Hein. Au contraire, tu vas le laisser, tu vas regarder jusqu'à ce qu'il meure. Eh oui, c'est horrible, mais c'est ça. Hein. Donc justement, donc ce capitalisme-là va détruire et va affaisser la fondation familiale. Et Gilles Lipovetsky parle très bien de ce phénomène-là. Il parle assez bien. C'est un philosophe français contemporain qui parle encore plus de ce qui se passe aujourd'hui. Un très bon livre que je vous conseille, L'ère du vide. C'est un peu philo, mais c'est un très très bon livre. Et justement, on constate effectivement ce qu'on appelle l'apparition des mouroirs, ou plus connu sous le nom des maisons de retraite. C'est un lieu où on parque nos parents pour qu'ils meurent. Simplement. Alors oui, il y a des contraintes socio-économiques réelles auprès de certaines familles qu'on dira modestes, où c'est très difficile en fait. Déjà, ce qu'on appelle les délais des appartements, etc., qui vont très compliquer avec les familles, etc., que les familles étendues puissent cohabiter. Ouais. Soit sachant en plus une deuxième chose, il faut dire la vérité, les familles elles-mêmes ne sont plus éduquées pour ce genre de système. Ce qu'on appelle les systèmes de vivre en famille étendue. C'est-à-dire la cohabitation. La cohabitation des grands-parents avec tes parents et les petits-enfants. C'est une cohabitation, et je le dis même pour les Arabes, hein, les musulmans, et pour les musulmans de manière générale, pas que les Arabes, les musulmans de manière générale, ça se perd. Cette éducation à la cohabitation, c'est beaucoup perdu. Beaucoup, beaucoup perdu. Du coup, ben oui, on arrive à cette malheureuse prédiction de cette ayah, c'est Rabbana arhamhuma kama rabbayani saghira. Pourquoi c'est étrange cette doua, parce que Dieu dit, il nous demande de dire. Seigneur, fais-leur miséricorde comme ils m'ont élevé. C'est étrange, parce qu'on demande à Dieu de nous faire preuve de sa grâce, mais à assimiler à celle de nos parents. Qu'on compare à celle de nos parents. Or, quelque part, on aurait dit, non, je préfère plutôt celle de Dieu tout court. Parce que celle de parents, c'est pas parfait. Mais non, c'est, voilà, on est dans l'informatif. De, ouais, mais en fait, c'est ça une doha. C'est qu'en réalité, c'est toi, quand tu dis, Rabbana rahamhuma, c'est toi, tu dois faire preuve de cette miséricorde. Parce que, donc, et encercle-les, embrasse-les par justement les ailes de la miséricorde et de l'humilité, c'est de l'humilité et de cette miséricorde, parce que Dieu dit, il t'enjoint, il l'a demandé, maintenant fais la doua, car la doua va t'amener à cette résolution. Vous voyez, donc l'informatif, c'est quoi? C'est vous devez faire preuve de ça, faire preuve de cette miséricorde, et vous devez être très attentif à cette miséricorde. Mais le problème, eh oui. Et voilà, là on est ce qu'on appelle, et le problème c'est qu'on est dans un impératif divin qui est doublement problématique. Pourquoi il est doublement problématique? Parce que d'abord, il est problématique d'un point de vue moral et spirituel. Parce que c'est quelque chose que tu ne peux pas improviser. Ok? C'est pas quelque chose que tu fais ça spontanément. C'est ce que j'ai expliqué par rapport à l'éducation. Si tu n'y as jamais pensé, si tu ne l'as pas intégré dans ton esprit, si tu n'y es pas disposé, tu ne pourras jamais le faire. Ou tu le feras malgré toi et ça sera compliqué. Et en fait, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne vient pas de l'enfant. Ça vient des parents. Donc des parents. Vous voyez ou pas? C'est ça aussi. C'est-à-dire que justement, et là vous comprenez la doha, l'effet miroir de la doha? Kama rabbayani sarira. Bah oui. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Bah oui, malheureusement. C'est triste de le dire comme ça. Oh vous parents qui devenez âgés, ne soyez pas choqués que vos enfants vous fuient si vous, toute votre vie vous avez été dur avec eux. Vous voyez ou pas? C'est-à-dire que Dieu les rappellera quand ça sera possible. Mais vous les avez fait fuir. C'est normal qu'ils ont du mal à venir et à vous aider et être auprès de vous. C'est pas normal dans le sens justifié. Hein. C'est normal dans le sens, bah, c'est naturel. Vous comprenez? Vous voyez la logique? C'est dur, hein? Parce que la doha a fait un effet symétrique. En gros, Dieu conditionne sa miséricorde à dépend, par rapport à celle que vous allez avoir et celle qu'ont eu les parents. Et c'est vrai. Comment? Et on le voit beaucoup dans le système traditionnel que nous connaissons aujourd'hui, enfin que nous voyons encore aujourd'hui de nos parents et de ceux qui nous ont précédés. Où, en fait, on a eu deux cas de figure, pour faire très simple. Des parents qui ont fait preuve d'une grande miséricorde et d'une grande indulgence. Et, du coup, soit, deux choses une, soit leurs enfants ont été dans une parfaite reconnaissance de ce système-là, ils l'ont parfaitement intégré, donc ils ont accompagné jusqu'au bout leurs parents. Soit, des ingrats, et ça existe, hein, ça c'est clair. Mais en gros, qu'est-ce que Dieu vous dit? C'est en maximisant la rahma que vous minimisez l'ingratitude, les risques d'ingratitude et de problèmes. Mais par contre, des parents qui ont été durs, très durs. Quand je dis dur, je ne parle pas juste dur, ah c'est dur. Non, je parle très dur, très violent, qui ont même humilié leurs enfants. Vous attendez à quoi? Après, ce sont des héros. Les enfants qui arrivent à rester avec leurs parents, qui font tout pour leurs parents. Même parfois, c'est même, honnêtement, je le dis sincèrement, ça en arrive même parfois à du suicide social. Oui, certaines personnes qui vont même ne pas se marier. Et ça, Dieu connaît leur mérite. Honnêtement, je dirais aucun autre commentaire à part ça. Que Dieu connaît leur mérite. Mais la majorité, c'est. Sauf qui peut. Dès qu'on peut, hop, je peux marier, oh, je peux travailler, oh, je peux étudier, ils partent. Parce que, ils peuvent plus. Ils supportent plus leurs parents. C'est triste à dire, mais c'est... Et donc, du coup, des parents tyranniques, hein, vraiment. Kama rabbayani sarira. Eh oui, kama rabbayani sarira. Comment? Kama tudin tudel. C'est comment tu as, qu'est-ce que tu as fait? Bah, tu vas le récolter. Donc, eh oui, c'est une doha informative à double endroit. Pour les enfants comme pour les parents. Aux parents d'investir dans leurs enfants. C'est pas une question d'intérêt, d'intéressement. Mais faites preuve de logique. Soyez le mieux possible avec vos enfants. Ne soyez pas des repoussoirs pour vos enfants. Et franchement, on le voit. J'ai dit un peu cyniquement la question des fortunes. Mais si les parents développent une fortune morale inestimable, vous pensez vraiment que les enfants la quitteront? Non. Sauf si les enfants font le choix. Et ça c'est sûr. Hein. Chacun est libre. Il faut même chaque à l'épaule. Ça, c'est clair. Hein. Oui. Ça, tu ne guides pas qui tu aimes. Que le dire dans ta là. C'est évident. Mais si tu génères un capital de bien, de moralité, de vertu, de bien-être, d'apaisement, et ça on le voit, combien de grands-parents sont devenus des refuges pour leurs parents, pour les parents, donc leurs filles, leurs enfants et leurs petits-enfants. Parce qu'ils sont devenus des foyers d'apaisement, de calme. Parce qu'ils ont été comme ça durant leur vie. Vous voyez? C'est ça le. Elle est informative et prédictive. Mais en même temps, elle nous montre aussi ce drame social terrible. Parce que c'est clair. Les maisons de retraite. Et bientôt, je le dis, bientôt. Et c'est un immense drame. Et malheureusement, notre communauté est complètement, complètement fatiguée, endormie. Alors oui, il y a des raisons qu'elle est endormie, mais à un moment donné, ça c'est plus. Enfin, c'est déjà plus possible. L'euthanasie va bientôt être légiférée, va bientôt être légalisée. Ça va. Et vous savez ce que ça veut dire l'euthanasie? L'euthanasie, c'est les plus faibles qui passent. Hein. L'euthanasie, c'est pas nouveau. Hein. Contrairement à ce que vous croyez, ce qu'on peut croire, l'euthanasie n'est pas nouvelle. C'est une pratique qui est très très ancienne, mais qui se pratiquait dans des peuples les plus flippants. On faisait ça, par exemple, quand on voyait des bébés mal formés, etc. Hop, on les balançait. Hein. C'est ce qu'on appelle les nations guerrières, les spartiates, par exemple, c'est ça. Hein. Un bébé, il n'est pas très bien formé, hop, on jette. On veut que des bébés forts. Comme ça, et c'était une manière de sélectionner. Et plein de systèmes comme ça, pour les filles, etc. On tue un certain quota, bah, les filles enterrées vivantes chez les Arabes, c'est une forme d'euthanasie. Hein. Vous savez, c'est tout, c'est on tue. Donc, parce qu'on va utiliser le terme euthanasie, parce que euthanasie, ça cache, vous savez, c'est comme IVG. Ça cache, hein. C'est des jolis mots. C'est du marketing, c'est un véritable marketing. Or, la réalité, la vérité, c'est quoi? C'est assassinat. Ça s'appelle un assassinat. Il y a un être humain, tu le tues. Qui t'a donné ce droit? Certainement pas Dieu. Or, il n'y a que Dieu qui peut donner ce droit. Et donc, justement, parce qu'on le voit, hein, on le voit bien quand il y a certains auteurs, comme Adali, hein, qui explique, qui dit que l'euthanasie sera un outil des plus précieux pour le 21e siècle. Ça, il le cite après avoir dit que les hommes et les femmes de 65 à 75 ans vont vivre de plus en plus longtemps grâce aux progrès médicaux, mais il pose un problème parce que c'est une population non rentable et insolvable. Sympa, hein. Il ne produit pas. Et il dit juste à la suite, hein, c'est pas une blague, il dit juste à la suite, l'euthanasie deviendra alors un outil des plus essentiels pour notre société moderne. C'est évident. Ça commençait par je balance mes. Parce que, comme j'ai dit, comme j'expliquais, je vous ai dit, les réalités nuancées, il ne faut pas non plus être diabolisé, les réalités nuancées sur les maisons de retraite, quand les enfants se séparent de leurs parents. Mais il y a effectivement, quand je vous dis nuance, c'est quoi? C'est il y a une nuance entre ceux qui posent leurs parents dans une maison de retraite à côté de chez eux, et qui vont leur rendre visite très régulièrement. Ok? C'est pas le top, mais voilà, c'est déjà bien. Faut le dire, on est société réelle, faut être réaliste, c'est déjà bien. Et ceux qui. Ils ne leur adressent rien, plus rien. À tel point, je ne sais pas si vous avez entendu, des cas récents, et ça se révèle surtout l'été, des parents qui arrêtent d'envoyer des enfants qui arrêtent d'envoyer l'argent pour leurs parents. À tel point que des maisons de retraite, ça fait un scandale parce qu'on a attaqué les maisons de retraite d'abord. Elle a arrêté de leur donner à manger. Un truc de dingue, en fait. On ne comprend plus rien. Mais vous voyez les excès, en fait. Mais donc, ça commence par ça. Et ensuite, ça finira par... Ben, mon grand-père, mon père souffre. Il a 70 piges, il souffre. Il a trop d'arthrose, etc. Il souffre. Ben, c'est pas pour ça l'euthanasie. C'est la souffrance. Ben, la souffrance, ça va être beau. Hein. Et SDF, il souffre ou il souffre pas? Ben, si, il souffre. Ben, donc, on fera une brigade spécialisée qui va piquer ceux qui se trouveront dans la rue. Ça paraît choquant quand je le dis comme ça. Enfin, je pense, j'espère. Mais ben, je ne vois pas comment on peut se retenir de faire ça. Oui, parce qu'à un moment donné, entre mort à moins 3 degrés et mort parce qu'on l'a mis une petite piqûre en cachette, bah... Et sincèrement, n'oubliez pas et posez-vous bien cette question, qu'est-ce qui empêchera ça? En gros, qu'est-ce qui empêche l'homme? Innal insana lafi khusr. Qu'est-ce qui empêche l'homme? Ou, voilà, qu'on khalaqna l'insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Nous avons créé l'être humain dans les meilleures dispositions et proportions. Oui, morale humaine. Puis nous l'avons laissé capable d'aller dans les pires extrémités. Et c'est vrai. À chaque fois, on se disait, ah, c'est pire. Non, on peut faire pire. Et voilà ce qui se passe. En termes de moralité, voilà ce qui se passe. Et effectivement, comme tu poses la question sur la Dora, oui, c'est ce manque de réalisation de cette Dora, car ce manque de réalisation de cette Aya, car ce manque de réalisation de la vérité divine, aussi bien chez les musulmans que chez les non-musulmans, mais oui, vous croyez que le Coran ne s'adresse qu'aux musulmans, mais s'adresse à tout le monde. C'est une sagesse universelle. Mais justement, ce manque de réalisation va traduire de plus en plus une perte de notre humanité. Et perdre notre humanité, c'est perdre notre lien avec Dieu. Et c'est ça que Dieu appelle la malédiction, l'âne, le fait de sortir de sa miséricorde. Plus nous serons attachés à notre humanité, plus nous serons attachés à la miséricorde de Dieu. Voilà ce qu'on peut dire sur cette doigt. D'autres. Je ne vais pas vous faire une question. Je ne vais pas faire trop long. Commencer. On demande qu'Allah Ta'ala nous pardonne nos excès et nos défauts et qu'il fasse que nous soyons parmi ses serviteurs reconnaissants. Ya Arham Ar-Rahim, Ya Rabbal Alamin, Ya Allah, nous te demandons de nous faire rémission de nos défauts et de nos fautes et de nos maladresses et de faire partie de ceux qui reconnaissent ta voix et de ceux qui reconnaissent tes signes. Ya Allah, nous te demandons d'être sincères et d'ouvrir notre cœur et notre esprit à la sincérité et à tes commandements. Ya Allah, augmente notre savoir, car tu es toi celui qui sait absolument tout, l'omniscient, celui qui sait ce qui est caché, ce qui est révélé, ce qui est dissimulé, de ce qui est divulgué, ce qui est, ce qui a été et ce qui sera. Ya Allah, tu es toi celui qui sait toutes choses et qui comprend toutes choses et qui entend toutes choses. Seigneur, tu connais le secret de nos cœurs, le secret de nos esprits, le secret de notre passé, le secret de notre futur et le secret de notre présent. Réconcilie-nous avec notre passé, efface de nous les tourments de notre passé et de ce que nous avons accompli contre notre gré ou volontairement, et fais que nous puissions accepter notre présent et que nous assumons notre présent et l'exigence de notre présent, nos responsabilités, et fais-nous vivre un futur radieux et un futur bien présent, et que nous soyons dans la béatitude et dans la miséricorde. Seigneur, couvre-nous de ta clémence, pardonne-nous nos excès, pardonne-nous nos défauts, pardonne-nous notre lâcheté, pardonne-nous notre inconsistance, pardonne-nous notre incohérence, pardonne-nous notre ignorance, et fais que nous soyons loin de tout ignorant et de toute ignorance. Seigneur, augmente notre savoir et accorde-nous la sagesse, car celui à qui tu accordes la sagesse, tu l'accordes un bien immense. Ya Allah, tu es toi celui qui aime la sagesse et la bonté, fais que nous soyons sages et bons, et que nous soyons bienveillants envers les gens. Ya Allah, nous te demandons, nous t'implorons d'être de ceux qui accomplissons les bonnes œuvres et qui accomplissons la bonté et la miséricorde, car tu es toi celui qui aime la bonté et l'indulgence, fais que nous soyons bons et que nous pardonnons envers les gens. Tu aimes ceux qui pardonnent les offenses qu'on leur fait, et tu pardonnes à ceux qui pardonnent. Seigneur, fais que nous pardonnons, et que nous soyons de ceux qui pardonnons, même dans les pires extrêmes, même dans les pires cas. Seigneur, tu aimes le pardon et tu aimes la clémence, et c'est toi qui déverses la clémence et le pardon. Pardonne-nous, fais preuve sur nous de clémence, et couvre-nous de ta clémence et de ta miséricorde. Et allège la souffrance de ceux qui souffrent, et épargne ceux qui sont opprimés, et guéris ceux qui sont malades et ceux qui sont attristés. Seigneur, nous te demandons de nous soulager, de soulager nos cœurs, et de nous guérir, et de nous guérir de nos défauts, et de guérir ceux qui sont malades physiquement, et ceux qui sont malades psychiquement, et ceux qui sont malades moralement, et ceux qui sont malades socialement. Seigneur, guéris-nous de tous les maux et de toutes les maladies. Tu es toi celui qui est le véritable et l'ultime guérisseur, et qui apporte les remèdes à travers ces créatures. Ya Allah, nous te demandons de faire miséricorde pour ceux qui nous ont devancés, et ceux qui sont morts et ceux qui t'ont rejoint. Ya Allah, beaucoup d'entre nous nous ont quittés avant que le Ramadan arrive. Fais leur miséricorde et fais comme s'ils étaient parmi de ceux qui sont comblés par le Ramadan. Seigneur, tu nous as permis d'être vivants encore aujourd'hui pour pouvoir accéder à ton Ramadan. Seigneur, permets-nous d'accéder à ton Ramadan de la meilleure manière et de le vivre comme il se doit et de pouvoir vivre en lien très étroit avec toi et ta révélation. Seigneur, tu as révélé ton livre durant ce mois. Fais qu'il nous soit révélé durant ce mois et que nous comprenions son sens et que nous agissons en vertu de ses commandements et de ses principes. Ya Allah, nous te demandons d'être exigeants envers nous-mêmes avant que nous soyons exigeants envers les autres et que nous imposons à nous-mêmes ce que nous n'imposons à personne. Seigneur, fais que nous soyons rigoureux envers nous-mêmes et que nous soyons pleins d'humilité et que nous soyons des serviteurs reconnaissants, pleins de mansuétude. Et fais miséricorde à ceux qui nous devancent et à ceux qui nous ont enseignés, à ceux qui nous ont éduqués et à nos parents, quel que soit ce qu'ils ont fait et quelle que soit la peine et la douleur qu'ils ont pu traverser et vivre. Ya Allah, tu es toi celui qui entend et qui sait avant même d'avoir entendu et qui sait avant même que nous savons et qui sait avant même que nous demandons et qui sait ce que nous voulons avant même que nous le voulons. Ya Allah, nous te demandons le meilleur, nous te demandons le meilleur ici-bas, nous te demandons le meilleur pour l'au-delà et nous te demandons de nous préserver l'enfer et nous te demandons car nous voulons entrer dans ton paradis, nous voulons entrer heureux et agréés et satisfaits dans ton paradis, nous voulons les plus hautes demeures dans ton paradis. Subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, nastaghfiruka wa natubu ilayk, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahir rahmanir rahim wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وكل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم أجمعين. Et un très bon Ramadan à vous toutes et tous pour cette année, inshallah.